Chapitre 14e, la dernière cigarette. Enfin, on arriva. Le souterrain finissait là. « Halte !» dit le chef. On laissa tomber à terre le prisonnier, et son corps s'enfonça dans la boue glacée et gluante dans laquelle, depuis les marches de l'escalier, les lourdes bottes des égoutiers fantastiques se plongeaient pesamment. Toutes les lampes des hommes furent alors allumées. Le souterrain s'éclaira. Martin Numa put voir autour de lui. Des murs sombres d'où l'eau suintait, une voûte basse à peine plus haute qu'un homme. Dans le fond, formant cul-de-sac, une sorte de niche, la fin du souterrain sans doute. Des pelles, des pioches, un sac de ciment, des briques et des outils de maçon. Des hommes se saisirent des outils. Dans l'auge, ils délayèrent du ciment, que Martin Numa put reconnaître comme ciment à prise immédiate. Ils apprêtèrent les briques, hautes, épaisses, pour bâtir les murs d'entourage. Alors les porteurs tirèrent Martin Numa, le faisant glisser sur le sol. Ils l'amenèrent ainsi jusqu'à la niche, et ils le poussèrent en avant jusqu'à ce que ses pieds fussent engagés. Martin Numa sentit que la niche était creusée, sans sol. Il eut à ce moment la sensation du vide et pensa qu'on le jetait dans un puits. Deux hommes ensuite le soulevèrent par les épaules pour le faire glisser. Martin Numa ne se défendit pas. Il n'eut aucune révolte. Il ne poussa pas un cri, pas un appel au secours. Il se laissa faire, et magnifique, sublime de courage, il regardait en souriant ses bourreaux. Ceux-ci le soulevèrent encore. Martin Numa tomba dans le trou, dans la fosse, dans son tombeau. Mais ce que le détective, dans ce premier moment, pensait être un des puits servant de déversoir, de conduit, d'écoulement aux fuites possibles de la petite rivière passant non loin de là, ainsi que mentalement il le calculait, creusé sans doute par ces hommes pour leur propre commodité, leur sécurité, n'était pas très profond en réalité. Martin Numa en sentit bientôt le fond. Il vit que le rebord du puits l'atteignait à peu près à la hauteur de la ceinture. Le puits était presque rempli d'eau. Lorsque le détective eut touché le fond, qu'il se sentit sur ses jambes, il se trouva la face au mur. Les hommes alors le forcèrent à se retourner vers eux. « Regarde, Martin Numa, » dit le chef, « regarde bien. Ce puits va être ton lit à perpétuité. On va fermer sur toi ton tombeau. Tu vas être muré vivant. » Aussitôt, deux hommes commencèrent à construire, avec les grosses briques et le ciment, un mur. Le ciment séchait immédiatement, maintenant les briques. Un mur s'élevait, épais, résistant, qui ne devait pas permettre à l'eau de fuir, et formait comme une poche une fosse dans laquelle Martin Numa, fatalement, devait, malgré tout effort et toute résistance, demeurer à jamais enfermé. Le trou, la niche plutôt, sans être très grande, pouvait contenir assez d'air respirable pour que, pendant plusieurs heures, Martin Numa eût le supplice de mourir lentement. Ce devait être une mort terrible, épouvantable, que les mots sont impuissants à décrire, dont seulement, par l'imagination exaspérée, on peut se représenter l'horreur. Maintenant, le mur que rapidement construisaient les hommes arrivait à la hauteur des épaules du détective. Et Martin Numa regardait les hommes travailler ainsi à ce qui devait être son tombeau, comme s'il se fût agi de tout autre chose que de le murer vivant. Son regard était clair, tranquille. Il examinait en connaisseur le travail adroit de ses hommes. Il gardait sur ses lèvres son sourire sceptique, railleur, envers ses bourreaux pleins de mépris pour ses hommes, qui accomplissaient une telle lâcheté. Le chef, sous son masque, suivait aussi le travail de ses hommes. Tout à coup, il dit au détective « Il est d'usage, tu le sais, Martin Numa, toi qui envoyais à l'échafaud tant de criminels, il est d'usage, dis-je, d'accomplir scrupuleusement les dernières volontés de l'homme condamné qui va mourir. Nous ne voulons pas ici nous départir de cet usage. Et nous tenons à suivre en tous les points les habitudes de ceux dont tu as été le si précieux auxiliaire. Allons, parle. Quelles sont tes dernières volontés? Dis-les-nous. Que nous ayons cette joie de satisfaire à ton suprême désir. » Martin Numa alors leva la tête vers celui qui parlait et dit simplement « Donnez-moi une cigarette. Une cigarette. S'il vous plaît. Voici longtemps que j'en suis privé. Cela me ferait grand plaisir d'en fumer une, surtout si c'est la dernière. » Et tout en disant ces mots, la face de Martin Numa était calme, tranquille et ne révélait pas la plus petite émotion. Le chef demeura comme frappé par ce timbre paisible et assuré. Il mit cependant, non sans émotion, la main à la poche, il en tira un étui à cigarette et dit « Puisque c'est ton désir, que ton ultime volonté soit accomplie. Mais je n'ai là que des cigarettes de tabac anglais. Elles sont faites, même avec des bouts dorés. » Le chef alors prit délicatement une des cigarettes dans son étui, en plaça le bout doré dans les lèvres de Martin Numa, puis, ayant gratté une allumette, il en approcha la flamme. Martin Numa se pencha un peu sur cette flamme. Il alluma sa cigarette et fuma avec la même tranquillité que s'il se fût trouvé dans son fauteuil chez lui. Lançant à intervalles réguliers ses bouffées bleuâtres de tabac odorant, il se disait que, coïncidence bizarre, dans la poche du garçon de recette, Éloi Vidal, se trouvaient des bouts de papier à cigarette dorée, des brins de tabac blond. Il se disait aussi que la laine tiède de la jolie nièce de Madame Marc gardait un peu de cet arôme opiacé et doux du tabac anglais qui maintenant emplissait la niche qui allait être sa tombe. Tout cela était étrange, bien étrange, pensa-t-il. Puis il se mit à regarder paisiblement les hommes, ayant augmenté de la hauteur d'une brique le mur qui allait fermer son tombeau. Un nouveau rang de briques fut posé sur celui-ci, et le mur, maintenant, atteignait Martin Numa au menton. Le chef s'approcha alors du prisonnier, et ironiquement, il s'inclina devant lui et demanda « Une autre cigarette ?» Martin Numa secoua la tête. « N'as-tu aucun désir suprême ?» Martin Numa répondit « Je crois que dans quelques instants je n'aurai plus besoin de quoi que ce soit. » Le chef salua une dernière fois et dit « Alors, adieu, Martin Numa, adieu !» Martin Numa, cette fois, releva la face et cria « Non, pas adieu, messieurs, mais au revoir !» Les hommes n'eurent pas le courage de rire en entendant cette voix claire et sonore dans ce souterrain. Et ceux qui travaillaient au mur laissèrent là leurs outils pour regarder, terrifiés, cet homme qui, par le petit espace lui restant encore, les bravait ainsi. Le chef tapa du pied avec rage et dit « Allons, achevez le mur !» Non sans peine, les hommes reprirent le travail et un nouveau rang de briques s'ajouta aux autres. Le mur, maintenant, arrivait à la hauteur du front de Martin Numa. Comme les bourreaux posaient le suprême rang qui devait finir le tombeau et rejoindre le haut de la niche, tout à coup, par l'escalier, déballa un homme qui cria « Chef, ils sont sur nous !» Une panique terrible s'empara immédiatement de tous ces hommes. Ils se tassèrent dans le fond de ce couloir étroit, se bousculèrent pour gagner une issue nouvelle, dissimulée dans la muraille, et fuirent devant les hommes que signalait le nouveau venu, affolé, et qui devaient être les agents de Martin Numa venant à son secours. Mais le chef se redressa aussitôt. Il envoya un coup de pied dans cette masse grouillante qui se précipitait sur la porte qu'elle empêchait d'ouvrir. « Tas de lâches ! » s'écria-t-il. « Vous aurez donc toujours peur de rien ! » Et vous tremblerez ainsi à la moindre alerte. » Puis il courut lui-même, remonta les marches glissantes qui conduisaient à ce souterrain. Il poussa la porte laissée ouverte par celui qui donnait l'alarme et revint lentement vers ses hommes. « Allons, vous savez bien qu'il est impossible de découvrir la porte qui mène ici. Vous savez bien, en outre, qu'à moins d'en avoir le secret, on ne peut l'ouvrir. Vous savez bien que les hommes de Martin Numa, en courant affolés devant elle, passeront sans la voir. » Rappelez-vous que Martin Numa lui-même, en venant faire ses recherches à loisir dans le souterrain, est passé devant cette porte. Lui, à qui rien n'échappe, il n'a pu seulement la soupçonner. Et haussant la voix, il ajouta « Nous n'avons rien à craindre de Prosper, de Philippe et des autres, pas plus que nous n'avons à redouter de leur chef qui maintenant est à nous. » Alors, attirant par le bras les deux ou trois premiers de ces hommes qui se pressaient sur la porte de sortie, il les ramena en arrière. « Allons, dit-il, donnez du jeu à la porte qu'on puisse sortir. Nous ne pouvons passer qu'un à un par cet étroit conduit, vous le savez. Allons, que le plus lâche passe le premier, et que celui qui a le plus peur vienne ensuite. Passez, messieurs, moi je vais finir de murer mon prisonnier. Quand tout le monde sera parti, je remettrai ce souterrain dans son état normal, en y faisant revenir l'eau qui séjourne toujours. » Martin Numa compris alors ce qu'était ce souterrain. C'était une des poches que formaient les anciens égouts rudimentaires de la ville de Paris. un des canaux par où passaient les eaux de la rivière et qu'on avait dû combler autrefois. Les misérables l'avaient déblayé pour leur service. Ils devaient se trouver sous les conduites en ciment ou en fonte des canalisations nouvelles de la ville de Paris. Il était oublié sur les plans ou regardé comme n'existant plus. En effet, quand le dernier homme de la bande se fut engagé dans un couloir qui donnait à gauche de la niche où l'on avait muré Martin Numa, le chef des malfaiteurs prit une pioche en main. Il vint à l'ouverture par où Martin Numa, en saussant lui-même dans l'eau, en s'arc-boutant des genoux et des coudes, en faisant effort avec son dos, pouvait s'élever un peu et voir à travers l'ouverture. Et il dit avec rage au détective « Inutile d'achever ce mur, puisque l'eau tout à l'heure va recouvrir à jamais de son linceul ton tombeau insoupçonné. » Alors il donna dans le plafond deux ou trois coups de pioche. Le pic s'enfonça enfin dans le plafond. Et quand il le retira avec effort, arrachant un morceau de la voûte, une trombe d'eau s'abattit aussitôt avec un bruit sourd et sinistre. Cet homme alors cria « C'est bien adieu, Martin Numa, roi des détectives, que te dit le roi des bandits. Adieu, non pas au revoir, adieu. » Puis vivement, il sortit et referma derrière lui une porte massive en fer, revêtue de ciment. Cette porte devait fermer hermétiquement, de même que celle qui se trouvait au-dessus de l'escalier, ce singulier et mystérieux souterrain. Et l'eau commença à envahir rapidement cette voûte sinistre. Martin Numa, maintenant, dans l'obscurité absolue, l'entendait couler. Il avait le sentiment que l'eau montait peu à peu, emplissait sa prison, qu'elle allait bientôt atteindre la hauteur des marches, puis gagner marche à marche, arriver ensuite jusqu'à l'ouverture qu'on avait laissée libre dans le haut de son tombeau. Et il se disait « Je n'ai plus que quelques minutes à respirer, à vivre ».